Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL, le 89.1 au cadran et à ckrl.qc.ca sur la toile, où que vous soyez sur la planète. Gaëtan Gosselin au microphone, heureux de vous retrouver. Je débute ça de but en blanc, comme on dit, à partir de la découverte d'un beau label d'origine canado-américaine intitulé People Places Records, un label lancé en 2017 par les artistes sonores et musiciens Aaron Santillan et Andrew Noseworthy, un label créé, raconte-t-elle, pour les artistes et les compositeurs aventureux, dans le but surtout de construire autour d'eux une communauté artistique dans les domaines des musiques expérimentales. Tout ça, et puis je le souligne, animé d'une philosophie qui défend la création libre, indépendante et le fait, le toi-même, oui, le « do it yourself », tout autant en création, production qu'en diffusion. C'est un label très diversifié sur le plan musical et sonore qu'on retrouve sur Bandcamp, notamment, ce qui m'a permis de dénicher trois belles démarches artistiques qui ont pour dénominateur commun d'être, un, très audacieux sur le plan musical et deux, d'exploiter des univers sonores qui travaillent avec le violon, le violoncelle et des instrumentations électroniques. Un pied dans l'univers, quoi, des nouvelles musiques, vous vous en doutez, et on va ce soir écouter tranquillement des créations du violoncelliste et compositeur américain Matt Majerkurt et prendre un peu de temps d'écoute des travaux récents de la violoniste torontoise Leslie Ting. Et pour lancer la soirée, ben, je vous présente un premier titre. Il est tiré d'un album intitulé Problematica de la compositrice et violoncelliste India Gailey. C'est un album dans lequel India interprète des créations commandées à plusieurs compositeurs, compositrices. On raconte qu'elle travaille fréquemment de cette manière avec des compositeurs, compositrices, cinéastes, danseurs et artistes visuels pour créer, dit-elle, des œuvres de nature exploratoire. Ce qu'on retrouve à merveille dans cet album collectif dont on va écouter un premier titre pour se glisser tranquillement dans l'univers d'India Gailey et de ses collaboratrice, collaborateur. Alors, création de la compositrice Sarah Rossi. On écoute une pièce intitulée I Long. On écoute ça. Thank you. precious mother lust. A sensory discovery to ground, to breathe, to try. Eh bien, on vient d'entendre une composition de Sarah Rossi, une interprétation d'India Gailey, qui est une musicienne, compositrice, chanteuse et improvisatrice américano-canadienne qui vit à Halifax. Elle s'inspire de nombreux genres musicaux, de toutes les époques confondues, pour créer des récits sonores qu'elle dit poétiques. Jeune violoncelliste et compositrice qui compte, dans les moins de 30 ans, India Gailey a déjà produit quelques albums salués par la critique, dont celui-ci, Problematica, qui a été conçu par la fusion assez réussie, on va se le dire, d'œuvres solo pour violoncelle, de sonorités électroniques et de voix, tout ça composé par de nombreux artistes et compositeurs. Je les nomme Viola Evans, Nicole Lisée, Julia Mermelstein, Andrew Noseworthy, Sarah Rossi, Joseph Glazer et Tania Illier. On va écouter cette fois une composition d'Andrew Noseworthy, qui est en passant le cofondateur de ce label People Places Records. Donc, une création qui mixe le violoncelle et des arrangements électroniques. Alors, on écoute ça, une création d'Andrew Noseworthy, interprétée par India Gailey. Eh bien, ce label dont je tire les créations ce soir, People Places Records, vise à soutenir une communauté d'artistes qui créent de la musique expérimentale et qui se mobilisent selon la philosophie du « do it yourself ». Nos premières expériences musicales, racontent les fondateurs du label, Noseworthy et Santian, ont été possibles grâce au soutien et à la solidarité de la communauté. Et dans cette communauté que forme People Places Records, on y retrouve le violoncelliste et compositeur américain Matt Majerkurt qui nous propose un premier album de pièces solo pour violoncelle. Matt raconte que la musique de l'album est composée selon un système de feuilles de route et il s'explique la manière suivante. Alors, j'ouvre les guillemets. Les morceaux prennent la forme de structures squelettiques qui sont remplies, garnies selon la nature de chaque performance, rendant unique chaque version, cela sur un mode semi-improvisé. Je referme les guillemets. L'album présente des prises complètes de morceaux auxquels se superposent des effets sonores créés par son collaborateur Scott Bell en post-production. Alors, pour se faire une tête, je devrais plutôt dire pour se faire une oreille, on écoute une pièce intitulée Everything Rise. C'est tiré de ce très bel album intitulé Amends. Thank you. On vient d'entendre Everything Rise de Matt Majerkurt, qui est un compositeur violoncelliste qui vit à Oklahoma et dont on écoute ce soir des titres de son premier album intitulé Amends, qu'on retrouve sur le label People Places Record. On raconte que cet album privilégie des prises de son sans interruption avec des compositions minimales pour ensuite les réparer. C'est-à-dire améliorer, si vous voulez, les premières captations avec des couches d'effets, d'où le titre de l'album Amends, qu'on pourrait traduire par « Répare ». Cette méthodologie inspire toute la musique enregistrée de Majerkurt, à la fois en raison de son passé d'improvisateur, mais surtout en raison d'une maladie chronique affectant son poignet droit, un handicap qui a entraîné un changement significatif dans son approche du violoncelle et du son, évidemment. C'est très intéressant. Alors, on écoute cette fois une pièce intitulée « Red Dirt ». C'est une création tirée de l'album « Amends » de Matt Majerkurt. On écoute ça. Alors voilà ce qui complète la première demi de l'émission. Je vous reviens après la pause avec des créations, cette fois de la violoniste Leslie Ting. Alors, à tout de suite. Vous écoutez La Croche-Oreille. On est de retour, vous écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL de 89.1 qu'on retrouve sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin au microphone, on se retrouve ce soir autour de nouveautés sonores et d'expérimentations tirées du label canado-américain People Places Records, des nouveautés qui sont aussi à l'enseigne d'une exploration musicale qu'inspire le violon et le violoncelle, des instruments qu'on découvre au 16e siècle et qui prennent aujourd'hui une place tout à fait singulière, franchement, dans l'univers des arts sonores et des musiques d'expérimentation. Je pense et salue du même souffle à Rémi Bélanger de Beauport, qui est un des artistes du violoncelle performé ici chez nous. Alors, dans cette veine, j'accueille quelques créations, cette fois de l'artiste multidisciplinaire, compositrice et violoniste canadienne Leslie Ting. Alors, dans la documentation qui accompagne son tout premier album intitulé « What Brings You In », on souligne qu'il y a très peu de choses conventionnelles dans ce premier album de la torontoise Leslie Ting. Bien que sa démarche soit très enracinée dans l'expression musicale, une grande partie de sa production est fortement inspirée par le théâtre, l'installation et par son ancienne carrière d'optométriste. Eh bien, le résultat musical n'est pas banal. Vous l'entendrez, puisqu'il combine allègrement les univers de John Cage et de Beethoven, assorti des projections captivantes qui ont toutes servi à raconter l'histoire d'une mère qui perd d'abord la vue, puis qui perd ensuite la vie. Alors, univers captivant, sensible, What Brings You In comporte de très belles créations, dont celle-ci, intitulée Folds in Crossing for Solo Violin et Electronics. C'est une création assistée de Julia Mermelstein aux instrumentations électroniques. Alors, on écoute ça. Thank you. Toujours à propos de Leslie Ting, cette violoniste torontoise, alors on raconte que cet album « What Brings You In » aborde également un territoire profondément personnel, la thérapie. Et pour construire son propos sonore, Ting a utilisé des travaux de recherche et puisé à même ses expériences personnelles de la thérapie, de la parole, de l'hypnothérapie, le travail du rêve et la somatique. J'ouvre les guillemets, elle dit « L'œuvre qui en résulte, dit-elle, est inclassable, mais clairement axée sur le son, aux prises avec des questions d'individualité, via le discours abstrait de la musique. » Je referme les guillemets. Le parcours de Leslie Ting est tout aussi inclassable que sa démarche. Bon, après avoir passé 3 ans à travailler comme optométriste agréée, elle devient première violoniste de l'Orchestre symphonique de Kitchener-Waterloo de 2013 à 2016. Alors, c'est pas banal. Et c'est durant cette période qu'elle va développer sa démarche personnelle. Alors, on écoute cette fois une création intitulée « Beholding for Solo Violin and Electronics ». C'est assisté cette fois de Rose Bolton aux instrumentations électroniques et c'est tiré de l'album « What Brings You In » de la compositrice et violoniste Leslie Ting. Thank you. Et bien voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie des artistes India Gailey, Matt Majerkurt et Leslie Ting. Grand merci aux artistes de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres ainsi qu'à la plateforme People Places Records. Et remerciement très spécial à Andrew Noseworthy et Aaron Santian. Cela dit, vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant pour écoute quand ça vous tente. Alors voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, pour une autre aventure sonore. Et on termine la soirée sur des sonorités de Leslie Ting. Alors voilà, depuis les studios de CKRL, dans le quartier Limoilou, à Québec, au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.